Scène 3. Pacarel, Dufausset. Et maintenant, parlons sérieusement. Je vais droit au fait. Voilà ce que je vous propose. Je ne lésinerai pas. Voulez-vous 3 000 francs par mois ? Moi ? Si je... Hein ? 3 000 francs par mois. Nourri, logé, chauffé et soigné. Ça ne vous suffit pas ? Qu'est-ce qu'il chante ? Vous voulez rire ? Moi, je veux rire. Non, du tout. Je croyais... Christi, ils sont exigeants, les ténors, à présent. Enfin, qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux ? Mon père ? Mon père. Il tient à m'appeler son père. Je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs. Eh bien, ça fait bien 3 000. Comment 100 francs, ça fait 3 000 ? Dame, il y a 30 jours par mois. 100 fois 30. 3 000. Permettez, c'est que... Enfin, c'est bon, je ne lésine pas. Disons 3 005. Voulez-vous 3 005 par mois ? Si je le veux. Il est étonnant. Ah, papa me disait bien que c'était un homme charmant, mais je ne croyais pas que ce fût à ce point. Acceptez-vous ? Si j'accepte. Tiens, parbleu ! Oui. Eh bien alors, c'est convenu. Nous allons signer notre traité, et un traité en règle. Parce que, comme cela, chacun connaît son droit. Et vous savez, le droit avant tout. Ou alors, c'est vous qui me ferez passer l'école. Je ne connais pas l'argot des théâtres. D'abord, nous stipulons un fort dédit. 40 000 francs si vous me quittez. N'ayez pas peur, je ne vous quitterai pas. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça ? Chanter quand est bon me semblera. Chanter ? C'est une drôle d'idée, par exemple. Vous êtes payé pour ça. Dites donc, vous voulez faire une niche à quelqu'un ? Oui, à l'opéra. En m'y faisant chanter ? Non, c'est-à-dire que... Inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, peu importe quelles sont mes idées, acceptez-vous. À ce prix-là, je crois bien. Si je m'attendais à cela, par exemple. Quand je pense qu'à Bordeaux... Quand je chante, on me dit « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir. » Eh bien, vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de rédiger. Il est de 10 ans. Ça m'est égal, puisque je repasserai à l'opéra. Nous disons 3 500 d'un côté et 40 000 de l'autre. Là, voilà qui est fait. Devant nous X et X, nous mettrons les noms plus tard. On comparut les cieux Pacarel, Étienne, François, fabricant de sucre par l'exploitation des diabétiques, d'une part, et du jeton. Qui ça, du jeton ? Mais vous ! Ce n'est pas votre nom ! Du jeton. C'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est votre nom de... Mais alors, comment vous appelez-vous ? Dame, comme mon père. Ah, je pense bien, mais encore... Dufausset, parbleu. Dufausset. N'achève pas, malheureux, j'ai compris. Dufausset est ton père. Eh bien oui, puisque je vous le dis. Qu'est-ce qu'il a ? Pacarel s'adresse au public. Dufausset, son père. Il a un fils. Lui, un homme marié, père de famille. Oh, quelle honte ! Ah ! Il ne me l'avait jamais dit. Voilà donc un fruit de sa débauche. C'est mon père qui m'a dit, va trouver Pacarel. Mon père, il te permet de l'appeler ton père. Dame, c'est logique. Et tu es sûr que c'est bien ton père ? Dame. Mais qu'est-ce que dit sa femme ? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Est-ce qu'elle sait que tu es son fils ? Maman ? Tiens, il est bête. Maman, elle te permet de l'appeler maman ? Pauvre femme. Elle endosse, elle légitime. C'est de l'héroïsme. Ils ont beau dire, ils sont tous un peu braques dans la famille. Mais le fils, que dit le fils de te voir prendre dans la famille une place qui n'appartient qu'à lui seul? Le fils? Quel fils? Mais le fils de ton père. De mon père? Papa a un fils? Et parfaitement. Je l'ai connu il y a 13 ans. Il avait 12 ans. Il est beaucoup plus petit que toi. Un fils? Mais de qui? Eh, parbleu, de sa femme. Tu ne l'as jamais vu? Jamais. Serait-il mort? Oh, c'est trop fort. Je vais écrire à papa. Dufossé fait un mouvement vers la gauche. Pacarel l'arrête. Ne fais pas cela, malheureux. Il ne manque plus que cela. La révolte de l'adultérin contre le légitime. J'en aurai les cœurs nets. Ne t'agite pas. Ne vous agitez pas. Ce qui est fait est fait. Pour moi, j'ignore tout. Tenez, ne parlons plus d'eux et signons le traité. Alors, vous signez, Dufossé? Pauvre Dufossé. Tenez, mettez à côté 10 du jeton, pour qu'on sache. Dufossé signe. Est-ce cela? Parfait. Voici votre traité. Et voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Ah bien, je vous souhaite du plaisir. Oh, moi, j'ai toujours aimé à protéger les arts. Dufossé, indiquant alors les petites palmes d'argent que Pacarel porte à sa boutonnière. C'est sans doute pour cela que vous êtes officier d'académie. Non, ça c'est une décoration que j'ai trouvée au bal de l'opéra. Je l'ai déposée chez le commissaire, personne ne l'a réclamée. Au bout d'un an et un jour, on m'a dit « ça vous appartient ». Voilà comment je suis officier d'académie. Mes compliments. Ah, suivez-moi, je vais vous installer dans votre chambre. À propos, une petite recommandation. Vous ne jouerez pas du piano de trop bonne heure pour ne pas réveiller le monde. N'ayez pas peur, j'ai le respect. Des autres? Du piano surtout. Vous savez, ces dames aiment à dormir. Ces dames, elle en est de ces dames, madame. Comment s'appelle-t-elle? C'est que je suis absolument pincé depuis ce matin. Venez-vous! Pacarel disparaît un moment par la porte gauche. Voilà son panier à ouvrage. Ah, ma foi, je vais lui écrire un mot. Dufossé déchire une page de son carnet et écrit. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Là, et maintenant, dans le panier. Pacarel, redescendant en scène et allant à Dufossé. Ah ça, qu'est-ce que vous faites donc dans le panier de Madame Landerneau? Moi? Rien. Madame Landerneau, c'est la femme de l'autre. De l'autre? Alors, je n'ai pas de scrupules à avoir. Vous regardez son panier avec des yeux de merlan frit. Monsieur Pacarel, êtes-vous un homme à garder un secret? Oh, quand je ne peux pas faire autrement. Je trouve Madame Landerneau admirable. Vous, allons donc, c'est pas possible. Mais vous ne l'avez pas regardée, une poitrine! Ça n'en finit pas. Ça s'en va, ça s'en va. Elle s'en va de la poitrine, mon ami. Que voulez-vous? J'en suis toqué. Eh bien, pour la rareté du fait, c'est égal. J'aurai l'œil. Landerneau, un ami